douce France, cher pays de mon enfance. Ah. Mon grand-père a fait la guerre pour la France. Il s'appelait Mamadou Touré, enterré sans être décoré. Il a eu 12 garçons et filles, dont mon père Aladji qui a quitté l'Afrique et posé ses valises à Paris. Je suis un petit black, la tête pleine de rêves. J'ai les papiers français, la tour Eiffel m'a vu grandir en fait. Partout où je passe, les regards me dévisagent. Ok, j'suis pas le bienvenu, mais j'suis là. J'accuse les médias de violer mon image avec des clichés fabriqués pour nous humilier. Ici c'est tout pour le matériel, les billets. En France, moins d'églises, synagogues et mosquées réunies que de banques. Franchement, Chirac me voit comme un extraterrestre, mais il est fier quand Zidane chante la Marseillaise. J'peux pas me taire quand un poulet me dit ferme ta gueule. Marine Le Pen peut se doiter, j'ai les mêmes droits qu'elle. J'ai vu la France comme une terre d'accueil. J'peux pas me taire quand un poulet me dit ferme ta gueule. Mon cœur un bunker, j'sens plus la douleur. Dans nos quartiers on voit l'hexagone en couleur. Des blancs, des jaunes, des beurs et des noirs que le gouvernement s'efforce de mettre à l'écart. Marianne me rejette, ce soir le drapeau est en berne. J'suis qu'un bâtard de français. Ma culture est française, ma lady est française. Ils disent qu'il faut que je m'intègre, mais moi j'suis français. Il paraît que Sarkozy est d'origine étrangère. Quand je vois ces sales flics, je vois des meurtriers potentiels. Les fâches au fond des UV, j'suis l'éternel suspect. La juge n'a qu'à me sucer, y'a Dieu qui peut me juger. Usé, j'ai pas les bonnes armes pour lutter. J'suis pas blond, j'm'appelle pas Charles-Henri Dupré. Pas représenté à l'Assemblée ou à la télé. À croire que Marianne vote trop à droite pour m'accepter. Tu te fais stopper en boîte ou sur le marché du travail si t'as le malheur d'être noir ou arabe. Donc certains deviennent haineux, veulent plus faire la queue à la NPE. Se fais-le que pour bicrap des sachets de peu. J'suis qu'un petit rappeur, petit fils de tirailleur. J'aime la France, je sais qu'il y a pire ailleurs. J'ai vu la France comme une terre d'accueil. J'peux pas me taire quand un poulet me dit ferme ta gueule. Mon cœur un bunker, j'sens plus la douleur. Dans nos quartiers on voit l'hexagone en couleur. Des blancs, des jaunes, des beurs et des noirs que le gouvernement s'efforce de mettre à l'écart. Marianne me rejette, ce soir le drapeau est en berne. J'suis qu'un bâtard de français. J'paierai pour voir les députés se mettre à notre place. Que la ville leur mette une grosse claque. Je devrais pas préciser, je suis pas pro-black. Aussi vrai que j'aime grosse caisse, grosse tasse, grosse liasse. Je vois pas ce qu'il y a de mal à rigoler. Sur une bonne blague de Coluche ou Dieu donné. Combien de fois les flics ont menotté. Sans raison, ils détruisent des cités, construisent des prisons. Au-delà de l'horizon, ma vision des bifetons. Sans piston, je brille devant ces petits cons qui me rejettent. Oh, j'ai vu Le Pen au deuxième tour. On m'a dit bonjour, j'ai répondu salam alaikum. Jamais les yeux je baisserai, fier je resterai. Jusqu'à ce qu'on signe mon certificat de décès. Je te souhaiterais qu'on traite comme un français à part entière. Et pas comme un bâtard de français. J'ai vu la France comme une terre d'accueil. J'peux pas me taire quand un poulet me dit ferme ta gueule. Mon cœur un bunker, j'sens plus la douleur. Dans nos quartiers on voit l'hexagone en couleur. Des blancs, des jaunes, des beurs et des noirs que le gouvernement s'efforce de mettre à l'écart. Marianne me rejette, ce soir le drapeau est en berne. J'suis qu'un bâtard de français. J'ai vu la France comme une terre d'accueil. J'peux pas me taire quand un poulet me dit ferme ta gueule. Mon cœur un bunker, j'sens plus la douleur. Dans nos quartiers on voit l'hexagone en couleur. Des blancs, des jaunes, des beurs et des noirs que le gouvernement s'efforce de mettre à l'écart. Marianne me rejette, ce soir le drapeau est en berne. J'suis qu'un bâtard de français. J'suis qu'un bâtard de français. Marianne me rejette, ce soir le drapeau est en berne. J'suis qu'un bâtard de français.